des milliers ton attrait. Je ne sais jamais qui tu es. Tout change sous vent de visage et d'aspect. Toi, quel que soit ton âge et ton nom, tu es un ange ou le démon. Quand pour moi tout prend tour à tour tous les visages de l'amour. Toi, si Dieu ne t'avait modelé, il m'aurait fallu te créer pour donner à ma vie sa raison d'exister. Toi qui es ma joie et mon tourment, tantôt femme, tantôt enfant, tu offris à mon cœur chaque jour tous les visages de l'amour. Moi, je suis le feu qui grandit ou qui meurt. Je suis le vent qui rouge ou qui pleure. Je suis la force ou la faiblesse. Moi, je pourrais détenir le ciel ou l'enfer. Moi, je pourrais compter la terre et la mer et inventer la jeunesse. Toi, viens faire de moi ce que tu veux. Un homme heureux ou malheureux, un mot de toi, je suis poussière ou je suis Dieu. Toi, sois mon espoir, sois mon destin, je suis peur de mes lendemains. Montre à mon âme sans secours tous les visages de l'amour.